matin, quand je me lave les dents, je laisse couler l'eau, je laisse couler l'eau. Je sais que c'est pas trop intelligent, pourtant je suis plutôt écolo. Mais j'aime aller à contre-courant et faire chez Nicolas Hulot. Quand je vais chercher mes cigarettes, je prends mon auto. Le PMU n'est qu'à 100 mètres. Je devrais aller sur mon vélo. J'ai fumé en fourgonnette et flashé Nicolas Hulot. Une fois au pire, je viens à ma boule. C'est drôlement beau. Je laisse briller toutes les ampoules. Et y'a des pistes qui donnent ma peau. J'ai trop regardé ma poule. Le fâché que la Hulot. La politique, ça devient trop dur. Beau de Sarko, buffet c'est beau. Je crois toujours sûr d'un paroté comme un blaireau. Il n'y a qu'une chose qui me rassure, c'est le père chez Nicolas Hulot. Tous les matins quand je lave les dents,